Je viens, le cœur tendre et les mains nues. Je viens, puisque tu ne reviens plus. Je viens comme un enfant pour prier, comme un pénitent les yeux baissés. Je viens comme un pécheur vers son Dieu. Je viens comme un martyr vers le feu. Je viens comme un fou vers sa folie. Oh,